communiquer sur le thème de la légitimité. C'est un thème qui m'interpelle. Alors, ce matin, moi, je m'occupe beaucoup de développement local en master, donc vraiment, tout ce que j'ai entendu était extrêmement intéressant. Mais en tant que spécialiste, entre guillemets, de l'Italie, c'est un thème que j'aborde depuis pas mal d'années sous deux angles que je vais essayer de croiser. C'est ça ma préoccupation. Le premier angle, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est celui du passage du paradigme de l'unité avec l'État qui incarne un petit peu tout, à celui de la diversité, de la pluriscalarité. Alors, je vous passe les détails en Italie parce que là, c'est sûr que je ne tiendrai pas les temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Italie, comme ailleurs, comme dans d'autres pays, on est passé d'un paradigme quand même assez simple, hein, où, comme le dit Martin Vanier, on était sur un principe de souveraineté territoriale, à quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du processus. La légitimité doit s'acquérir, doit se négocier, hein, dans un rapport pouvoir-territoire qui n'est plus un donné. Et dans cet angle de tir, moi j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur l'idée de recomposition des niveaux, rescaling, l'idée que l'inégale capacité des acteurs à maîtriser des articulations d'échelle toujours plus complexes devient une des clés vraiment de l'action publique. Hein. Donc ça c'est déjà ce qui m'amène ici. Et puis il y a un autre angle d'attaque qui pour moi est plus récent mais qui est déjà très labouré depuis longtemps bien sûr. C'est la perte d'évidence de la notion même d'intérêt général. Hein. On a beaucoup parlé, on a même commencé par ça avec l'intervention de Nathalie Blanc tout à l'heure, sur les grands chantiers d'aménagement, les grands équipements et les polémiques qu'elles suscitent. Bon, donc il y a l'idée que plus rien n'est évident. Hein. L'intégration de l'infrastructure au territoire autrefois était seconde, hein. L'État déballait son affaire et puis voilà, c'était réglé. Aujourd'hui, on est dans des géopolitiques locales où il faut en permanence négocier. Et en même temps, quand je dis décentralisation tout à l'heure, on est sur un couple décentralisation-recentralisation en Italie comme en France, hein, comme partout d'ailleurs à mon avis, qui fait que cette négociation, c'est pas non plus quelque chose de facile. On est vraiment dans des rapports de force. Hein. Et donc, c'est à la confluence de ces deux courants, si l'on peut dire, hein, la complexité croissante des acteurs, l'idée aussi de perte d'évidence de l'intérêt général, montée en puissance des conflits autour des grands projets d'aménagement, que se situe mon intervention, avec comme troisième point de départ le fait que donc je parle du point de vue de l'Italie, de l'Europe du Sud, et en Europe du Sud, on est quand même dans un contexte plus qu'ailleurs peut-être en Europe encore, marqué par l'austérité, hein, on a beaucoup parlé d'austérité étatique, mais aussi d'austérité urbaine, un contexte de crise, alors on ne sait plus comment la définir tellement elles s'empilent les unes dans les autres, et l'Italie est bien dotée maintenant là-dedans, mais toujours est-il que ces problématiques de mobilisation territoriale autour de conflits et de conflits ancrés dans le local se sont vraiment considérablement accrues depuis, en gros, la crise des subprimes. Je prendrai pour exemple cette étude qui a été faite sur la Vénétie, hein, par une collègue, un collectif de collègues, Laura Fregolen, qui est là. Et en gros, ils ont remarqué un doublement du nombre de conflits très enracinés localement autour de chantiers divers et variés depuis le début de la crise des subprimes. Hein. Et donc, ça interroge aussi sur l'effet de la crise dans ces questions de légitimité de l'action publique. Et si on pose les choses sous cet angle, en gros, on a quelques thèmes qui s'imposent et qui font que d'emblée la question est complexe. Alors, ça a été déjà beaucoup dit tout à l'heure dans la table ronde, il y a l'idée que le fait que la légitimité n'aille pas de soi, c'est très bien. Ça inscrit les choses dans une nouvelle forme finalement de démocratie, hein, une forme d'innovation sociale. Une nouvelle façon d'être présent sur la scène pour de nouveaux acteurs. Ça élargit la sphère de l'action publique. D'un autre côté, et ça, l'Italie en est vraiment un très bon exemple avec ce qu'on connaît aujourd'hui de la crise politique, hein, que traverse le pays, il y a vraiment une perte de légitimité de l'action publique qui est à la source de nombre de ces conflits territoriaux, hein, une communication tendanciellement interrompue entre les détenteurs du pouvoir et les sujets porteurs d'autres perspectives, peut-être. Donc, il y a, ça, c'est une dimension beaucoup plus critique que la première. Et la troisième dimension que j'emprunte aussi toujours au même ouvrage collectif, là, c'est l'idée que ça vient croiser, on l'a évoqué à propos de la France rurale et de la France des petites villes, une géographie du mal-être, une géographie de crise territoriale, hein, de territoires qui se sentent délaissés. Et en même temps, c'est assez difficile d'interpréter de façon avec du recul cette affaire-là pour l'Italie, puisqu'on est en plein dans cette une des facettes de l'expression de ce malaise, hein, qui est le vote qu'on a eu aux dernières élections. J'ajouterais comme dernier élément, alors oui, ça, ce qui va avec, une classe politique qui est désavouée, et ça bien avant la crise actuelle, hein, et ça c'est assez nouveau pour l'Italie, parce que jusqu'à présent, par exemple, l'opération main propre de 93, c'était l'État qui était mis en cause. Mais dans les années récentes, c'est l'ensemble de la classe politique qui, peu à peu, a vu son capital de confiance se déliter. Hein, certes avec des niveaux différents du local à l'étatique, mais enfin, franchement, aucun niveau s'en sort. Hein. Et dernier élément, ça, Pascal Froment qui est là en parlera mieux que moi demain, mais ce qui est intéressant dans le modèle italien, c'est qu'on voit aussi émerger des porosités, un cadre institutionnel qui est lui-même impliqué dans les mobilisations, qui vient les récupérer. Enfin, je suis en thèse, moi, par exemple, Sarah Baudry, qui montre comment des opérations d'occupation d'espace public, etc., sont après récupérées par la ville de Rome. Enfin, il n'y a pas du tout d'opposition tranchée entre les mobilisations d'un côté et un pouvoir politique local ou autre structuré de l'autre. Hein. On est plutôt sur quelque chose qui se réinvente. Donc, l'exemple dont je vais vous parler, hein, qui est, alors, c'est un exemple qui est lui-même, ça je voulais quand même le dire, partie prenante de cette construction de la légitimité, puisqu'il vient d'une recherche-action menée par à la fois des scientifiques, hein, l'École française de Rome, la British School d'archéologie, etc., mais menée à la demande d'acteurs qui cherchent à construire la légitimité d'une action locale. Et cette position, pour moi, elle était assez nouvelle. C'est assez rare que je me retrouve dans une démarche de recherche-action en recherche, pas en enseignement. Mais finalement, je l'ai trouvée beaucoup moins difficile à pratiquer que ce qu'on pouvait appréhender. Le fait d'être partie prenante, d'être utilisée par les uns pour dialoguer avec les autres, je trouve que c'est assez... finalement, il faut avoir une approche assez décomplexée de cette affaire. C'est pas bien grave du moment qu'on arrive à en tirer quelque chose, quoi. Alors, je vais très rapidement évoquer l'exemple qui m'intéresse, hein, qui est donc une banlieue aéroportuaire, et ensuite donc m'intéresser successivement à comment les acteurs avec pignon sur rue, si je puis dire, institutionnels, l'État, les pouvoirs locaux, mais aussi le privé aujourd'hui, construisent réciproquement leur légitimité. Et puis, si j'ai le temps, si vous ne me stoppez pas avant, sinon c'est pas grave, on en parlera un autre moment, un zoom très exploratoire sur les comités d'habitants qui sont vraiment quelque chose qui se répand aujourd'hui en Italie. Alors, le contexte, très rapidement. Donc, on est à Fiumicino, au banlieue aéroportuaire de Rome, hein, qui est, voilà, une grande, ça n'a rien à voir avec Paris, mais enfin, on est quand même sur 4,3 millions pour la città métropolitaine de Rome, et Fiumicino, donc vous l'avez là, avec l'aéroport, et c'est de cet endroit-là que je vais vous parler. Fiumicino, c'est une commune aujourd'hui de à peu près 80 000 habitants, banlieue assez banale, hein, vous en avez quelques photos ici, avec quelques aménités paysagères, hein, le canal du Tibre, on est sur un canal historique, hein, c'est un faux delta, le Tibre, c'est le prolongement en fait du canal de l'Empire romain. Voici la mairie de Fiumicino, et là vous êtes en plein centre, hein, on est typiquement dans ces banlieues un peu de briques et de brocs, avec beaucoup d'habitats spontanés dans la banlieue romaine. Une évolution démographique très rapide, je ne vais pas développer, mais il faut quand même voir que sur tout ce territoire qui fait 27 km du nord au sud, hein, vous aviez 3000 habitants au moment de l'unité italienne. Donc aujourd'hui, c'est une quinzaine de noyaux d'agglomération un petit peu dispersés. Et c'est donc une zone particulièrement sensible de la métropolisation romaine, puisque à la fois vous avez donc l'aéroport international. Vous avez aussi un jeu d'acteurs où structurellement donc le pouvoir local a toujours été faible et s'en accommode. Hein, un des mots d'ordre qu'on donne souvent à la mairie, c'est surtout le moins possible d'expropriation, surtout, ne pas chercher l'affrontement, on est plutôt dans la négociation, dans le compromis, que ce soit avec des grands acteurs de l'aéroport, mais aussi les grands acteurs de l'immobilier, ou que ce soit avec donc ben justement tout ce système de l'habitat illégal et légalisé. Hein. Donc on est dans la négociation, traditionnellement beaucoup plus que dans la prise de position ferme. Et puis, on est dans une zone donc, de crise politique, enfin, c'est vrai pour toute l'Italie, mais c'est important de noter quand même que ce littoral romain, sur, non pas tant Fiumicino, mais plutôt la partie d'Ostie, a été vraiment au cœur de la crise très grave qui a touché donc, la légitimité de la ville de Rome en tant qu'acteur politique, il y a maintenant 2-3 ans, hein, puisque c'est là qu'a commencé le scandale Mafia Capitale. Le tout sur fond, donc, de, ça aussi c'est un contexte global, mais une zone très touchée quand même, enfin Rome est quand même, bon, c'est une ville riche, hein, fondamentalement quand même, pour on est sur des indices 130 pour le PIB, on était à 135, on a redégringolé à 110, ce qui est quand même, bon, voilà, c'est pas une ville pauvre dans l'absolu, bien sûr, mais... Dans ce cadre-là, donc, ce qui m'intéresse, c'est... deux mobilisations territoriales qui s'imbriquent l'une dans l'autre sur cette commune de Fiumicino et je dirais même à 500 mètres l'une de l'autre. Alors la première, c'est une mobilisation contre. Contre quoi ? Contre l'aéroport, non pas son existence même, Fiumicino vit de l'aéroport, mais contre un projet d'extension aéroportuaire. C'est important de voir d'ailleurs, puisqu'on parle de décentralisation, hein, que la ville même de Fiumicino, initialement, c'était un quartier de Rome. Elle s'est constituée au début des années 90 pour gérer, en quelque sorte, plus efficacement, en faisant sécession de Rome, une croissance très forte provoquée par l'aéroport. Mais il y a toujours eu des rapports assez tendus, compliqués avec l'aéroport. Or, aujourd'hui, vous avez donc un projet d'extension aéroportuaire, hein, qui a été officialisé par l'État, par le gouvernement Monti juste avant sa démission en 2012, et qui prévoit, donc vous le voyez, un doublement pratiquement de la superficie de l'aéroport. Donc là, clairement, la mairie est en opposition, ça j'ai tout à fait retrouvé ce que vous disiez tout à l'heure dans les propos de mon maire à moi, hein, la maire adjointe Anna-Maria Anselmi, il faudra qu'il nous passe sur le corps pour faire cet aéroport, et là on va utiliser l'arme de l'expropriation, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment qu'ils viennent les chercher, leurs mètres carrés. Hein, mais il y a aussi un comité d'habitants qui s'est constitué autour de ça, hein, le comité, celui-ci, Foritista. Il y a aussi une mobilisation pour, juste à côté. Alors pourquoi ? Si vous reprenez cette photo satellite, là vous voyez l'aéroport, hein, mais juste à côté ce drôle de bassin tout vert. Et si je dézoome et si je fais appel aux recherches de la géoarchéologie, en réalité ce drôle d'hexagone là, c'est les restes du port impérial de Trajan et de Claude. Il est à 1500 mètres des pistes de l'aéroport. On est vraiment sur un hub posé sur un autre hub. Hein. Et donc, dans une banlieue qui est quand même en crise, hein, sur le plan économique, à l'Italie, c'est la vente à la découpe en ce moment, l'idée, non pas de virer sa cutie, mais enfin quand même de faire feu de tout bois, et de, y compris des ressources patrimoniales, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et donc là aussi, il y a non seulement la mairie s'y intéresse depuis longtemps, l'État, qui est propriétaire de ce site, s'y intéresse aussi, mais il y a également un comité d'habitants. Pour vous montrer à quoi il ressemble, ce site, ça c'est important dans un contexte de banlieue, ce n'est pas seulement un site archéologique. Fondamentalement, vous voyez que ça a tout d'un jardin public. C'est un site littéralement, pour le moment sous cloche, mais qui est livrable clé en main, hein, pour servir aussi à des fonctions d'aménité paysagère, de promenade, de tout ce qu'on veut. Et donc là, on est tout à fait dans cette idée que Françoise Lucchini développait il y a longtemps maintenant, hein, de l'idée que la culture, c'est aussi un produit, un service que les municipalités doivent offrir comme un autre, en quelque sorte. Donc, ces deux mobilisations, alors oui, elles sont articulées l'une à l'autre, puisque notre aéroport, mon aéroport et mon parc sont au beau milieu d'une réserve naturelle d'État, mais c'est important de le noter, une réserve qui est un petit peu en suspens, c'est-à-dire que son principe même, est, en tant que norme, elle existe depuis la fin des années 90, mais elle n'a toujours pas de plan de gestion, hein, donc elle n'est pas totalement opérationnelle. Hein, et donc, du coup, elle est présente en tant que norme, elle est opposable au projet de l'aéroport, mais pas autant que si sa finalisation était totale. Et donc, un système d'acteurs extrêmement complexe, hein, dans lequel il y a beaucoup de points d'interrogation, parce que pour le moment, on en est toujours à la phase finale de est-ce que le ministère, avant c'était est-ce que la région, enfin est-ce que ce processus va aboutir. Processus qui, s'il aboutissait, très clairement, là on voit bien que nos deux mobilisations s'emboîtent l'une dans l'autre, hein, dans le sens où là ça contraindrait quand même beaucoup les projets d'extension d'ADR. Ça les rendrait pas totalement impossibles, on peut toujours échanger des terrains en Italie, mais enfin tout de même, une réserve c'est important. Donc à partir de là, c'est bon pour le moment. Comment se construisent la légitimité des jeux d'acteurs? Est-ce que cette légitimité, ça bloque tout? Non, c'est fini? Alors, une minute? Alors, très rapidement, je ferai une autre fois. Il y a un premier point qui est, dans cette histoire de légitimité, on a parlé de beaucoup d'acteurs tout à l'heure, moi je voudrais insister sur l'asymétrie. Hein, c'est-à-dire, ce qui pose problème, c'est pas tant la présence, ADR, c'est privé, il y a un autre acteur très présent dans ADR, c'est Benetton, c'est pas tant sa présence, mais que l'omniprésence de Benetton dans le jeu public, ça c'est un élément majeur, ici, de ce jeu de la légitimité. En deux mots, l'aéroport, il va s'étendre sur des terres qui appartiennent déjà à l'un des actionnaires majeurs de cet aéroport. Donc il y a un conflit sur la légitimité même, sur la notion d'intérêt général. Hein. Ça, c'est important. Par ailleurs, donc je vais très vite, excusez-moi, l'autre élément qui me paraît important, c'est la question de l'efficacité. Que ce soit, alors même le projet d'aéroport, finalement, il avance très très lentement, et le projet de développement de l'espace archéologique comme espace public, là aussi, c'est vraiment assez long, assez laborieux. Et donc, c'est dans cette question de l'efficacité, hein, là, c'est un des membres d'un des comités qui me dit ça, les acteurs, ils sont sur le bord de la scène à regarder ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que chacun attend ce que va faire le voisin, ce qui est parfaitement logique dans un contexte de crise. Vous n'allez pas engager, par exemple, la création d'une ligne de bus si vous n'êtes pas sûr que la surintendance ouvre le parc pour avoir des clients. Hein. Mais donc, la question de l'efficacité, hein, on en a parlé tout à l'heure, là, on la retrouve totalement. Dernier point important, est-ce qu'on peut opposer une légitimité d'en haut et une légitimité d'en bas? Moi, j'en suis pas sûre avec mon exemple, parce que d'une part, nos deux mobilisations interagissent en permanence, c'est-à-dire que Benetton ou ADR, pour se faire accepter localement, financent gratuitement, offrent gratuitement quasiment les trois quarts, si ce n'est plus, des visites du site. Hein, donc, l'aéroport se fait aussi acteur local, hein, délibérément aussi pour justifier, faire passer, hein, ses propres stratégies. Et puis même un acteur étatique entre tous comme la surintendance, on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des domaines que l'État s'est gardé sous le coude, hein, et en Italie encore plus, c'est un pays où vraiment la culture a encore pignon sur rue, on va dire. Mais très clairement, ce que fait la surintendance ici est une opération de développement local. On n'est pas du tout dans une opposition locale et nationale. Ce qui m'intéresse aussi, et ça revient souvent en Italie, c'est que des opérations locales se réclament d'une légitimité nationale entre toutes, qui est celle de la Constitution. Hein, par exemple, aussi bien le service culture de Fiumicino que Benetton et ADR se réclament de l'article 9 de la Constitution italienne qui dit « les citadins ont droit à la culture, à la beauté, etc. Hein, » ils n'emploient pas le terme de beauté, mais il est en train de... Ça revient aujourd'hui. Donc, voilà. Je ne vais pas vous parler des comités, j'ai pas le temps. Juste peut-être... la seule chose, on a parlé tout à l'heure de la légitimité. Moi, ce qui m'a interpellée aussi... en réponse à quand j'ai fait ma proposition de communication, un des relecteurs disait « Mais à quel titre parle-t-on » Et il se trouve que les comités ne se posent pas du tout la question de la neutralité de l'expertise. Hein. Ce qu'ils ils opposent au contraire à une neutralité de l'expertise, la force d'une vision construite d'en bas. Que ce soit Foripista contre l'aéroport ou le comité pour le parc archéologique, il y a l'idée, au contraire, de fédérer des propositions et que, bien sûr, ces propositions, alors elles expriment des habitants, hein, si on regarde qui est par exemple dans Foripista, dans le comité décisionnel, on a infirmières, employés, jardiniers, ce sont des riverains, hein, et c'est en tant qu'habitants qu'ils s'expriment, mais très clairement, et ça c'est tout à fait banal, hein, on a aussi des experts qui travaillent eux-mêmes pour l'aérospatiale, ou qui sont experts à titre de paysage, de culture, etc., et qui vont mobiliser leur expertise dans cette affaire. On a, alors la dame de la CGT est partie, mais c'est dommage parce que moi ce qui m'a frappé aussi, parce que j'étais partie sur l'idée peut-être naïve, qu'il y avait opposition entre ces comités d'habitants et le monde politique et syndical classique. Il n'y a pas du tout, dans ce que j'ai vu, en réalité, cette opposition. On est beaucoup plus dans des continuités, voire même un regret d'une action publique plus collective ou peut-être idéalisée, certainement avec le recul des années, mais on est très clairement dans la recherche de nouvelles formes d'action publique, surtout faute de mieux que par volonté délibérée. Et ça me paraît assez intéressant aussi dans ce cas. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on va enchaîner les trois communications pour laisser le temps ensuite d'un débat général à la fin. Donc, Thomas Navarre va nous parler des sources de légitimité des associations de quartier, un outil d'analyse de la gouvernance urbaine à Saint-Louis du Sénégal. Oui, donc je vais me concentrer sur la construction de la légitimité par ces associations de quartier qui sont des acteurs centraux dans l'aménagement d'une ville secondaire sénégalaise. Alors, à l'instar de nombreuses villes africaines, l'aménagement et la gestion au niveau des quartiers, au niveau du cadre de vie de l'habitant, résulte de négociations entre plusieurs protagonistes. Et pour paraphraser Sylvie Jaglin, qui a beaucoup travaillé sur la gouvernance dans les villes africaines, les modalités de la planification et de la gestion urbaine font apparaître des modes d'action reposant sur une flexibilité croissante des périmètres de compétences et sur des assemblages d'acteurs et de ressources assez composites. Moi, j'étudie en particulier les quartiers périphériques de la ville de Saint-Louis, les quartiers agricoles, dont l'aménagement du cadre de vie des habitants est délaissé par les pouvoirs publics. Ils sont perçus à la fois comme une réserve foncière pour accueillir l'étalement urbain et comme des servitudes du centre-ville puisqu'ils accueillent des équipements encombrants, un aéroport, un camp militaire, l'ensemble du système de captage de l'eau potable, les abattoirs municipaux, etc. Dans ces quartiers, donc, on a des agences déconcentrées de l'État qui gèrent les équipements majeurs et puis l'équipement du quartier, donc les écoles, les postes de santé, les terrains de sport, l'entretien de la voirie, l'espace public, la collecte des déchets solides, etc. Ça, c'est du ressort de la municipalité, mais surtout depuis le milieu des années 90, du tissu associatif local. La réussite de leurs actions dépend souvent de l'aide technique et financière qu'elles trouvent auprès de partenaires de coopération, partenaires bilatéraux, partenaires multilatéraux, ONG, etc. La réussite dépend aussi de leur capacité à mobiliser les habitants pour qu'ils participent par leur main-d'œuvre, qu'ils acceptent le projet, qu'ils participent au financement, etc. Donc la gestion et l'aménagement des quartiers constituent une arène où s'affrontent ces différents intervenants, chacun négociant sa propre légitimité auprès des autres pour obtenir des soutiens. Les associations de quartiers, comme je disais, occupent une place centrale puisque c'est souvent elles qui sont à l'initiative des projets d'aménagement ou de gestion. Elles organisent souvent les différents projets à l'échelon même du quartier, et elles sont aussi le médiateur entre les partenaires extérieurs, les pouvoirs publics et les habitants. Alors, j'ai appréhendé la légitimité comme le droit que l'on s'accorde et que l'on accorde à autrui de parler et d'agir, donc un bien fondé qui serait basé sur des valeurs, des normes, des lois, etc. On y voit un peu tout ce qu'on veut. Cette définition, elle positionne la légitimité non plus comme un attribut de telle ou telle institution qui disposerait du monopole de l'action au nom soit d'un système de référence unique, comme le dirait Weber, ou d'une domination tacitement acceptée, comme le dirait Bourdieu, mais plutôt comme l'attribut d'une interaction entre plusieurs acteurs sociaux. En fait, la légitimité, pour moi, c'est une évaluation réciproque que chacun des acteurs fait de l'autre. Donc la légitimité, comme le dit Hatzfeld dans le dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, la légitimité suppose que l'on reconnaît à l'autre la validité de tout ou partie des principes au nom duquel il agit. De ce fait, la légitimité relève de systèmes de référence multiples. Elle est contingente à une situation d'interaction et d'échange particulière. Ce sont donc les processus de construction de la légitimité, la légitimation, qui sont intéressants à observer dans la mesure où les discours de soutien ou au contraire de disqualification de la légitimité de tel ou tel acteur protagoniste d'un projet révèlent à la fois les valeurs qu'il porte, mais aussi les alliances objectives qu'il recherche et les antagonismes qu'il forge avec les autres protagonistes. Donc quand on prend cette définition-là de la légitimité, ça permet d'analyser l'évolution des rapports entre les acteurs et surtout des rapports de pouvoir. Et donc l'hypothèse derrière, pour moi, c'est que les arguments de légitimité qui sont mobilisés par les acteurs dans leur discours, ils visent à constituer des alliances stratégiques ou au contraire à disqualifier leurs opposants dans les débats portant sur l'aménagement et la gestion du quartier. Alors pour illustrer ça, j'ai étudié un certain nombre de projets d'aménagement dans ces quartiers-là qui présentaient à chaque fois des configurations différentes, des jeux d'acteurs différents et des controverses entre des acteurs différents. Alors tout d'abord, une opposition entre la municipalité et une coalition formée d'une association locale ou de plusieurs associations locales et d'un partenaire extérieur, une ONG ou la coopération bilatérale ou multilatérale. Donc là, pour illustrer ça, on a une controverse autour de la construction d'un poste de santé dans un quartier, le quartier Port, qui est initié par le comité de santé du quartier, donc une association locale, et mis en œuvre avec l'ONG Plan International. La municipalité s'est opposée à l'association locale sous prétexte que le quartier n'était pas prioritaire dans la planification municipale et elle a souhaité récupérer le projet pour l'implanter ailleurs, dans un quartier plus peuplé et plus prioritaire. Dans ce cas de figure, le comité de santé il a mobilisé un discours auprès du bailleur, donc l'ONG Plan, mettant en avant le travail qu'elle a effectué, l'investissement des habitants, l'injustice que subissent les contribuables de ce quartier qui ne sont pas traités à égalité des autres habitants de la commune. Et le fait que ce projet s'inscrit dans un plan de développement participatif rédigé en 2000 sous l'égide de la municipalité. Autre cas de figure, une opposition entre une ONG et une agence déconcentrée de l'État. Donc là, c'est le cas d'un réseau de mini-égouts dans un de ces quartiers agricoles qui était porté par une ONG Enda Tiers Monde et qui s'est retrouvé en opposition avec l'Office National de l'Assainissement du Sénégal, qui est censé être souverain sur l'assainissement des villes. Les habitants ici ne sont pas du tout impliqués. La controverse porte sur les caractéristiques techniques du projet, qui ne se raccordent pas au réseau conventionnel géré par l'Office National de l'Assainissement, et qui présente de nombreuses malfaçons. Donc dans ce cas, on a l'ONG qui empiète sur le périmètre de compétence d'une agence de l'État, et qui se retrouve délégitimé du fait de son inexpertise technique, en tout cas dans les discours de l'ONAS, l'Office National de l'Assainissement. Donc dans ces deux cas de figure, les partenaires de coopération, des ONG là pour le coup, s'appuient sur une légitimité relevant du développement durable et de la bonne gouvernance. Efficacité économique, respect de l'environnement, caractère inclusif, participatif, transparence, etc. du projet, prime face à toute autre considération, même réglementaire. Ainsi, la planification municipale et les responsabilités d'une agence de l'État peuvent être niées, dans certains cas, sous prétexte de répondre à une demande communautaire. Dernier cas de figure qui est, à mon avis, le plus intéressant, c'est un projet où, là, on a une opposition entre les bénéficiaires, donc entre les habitants eux-mêmes, au sein d'une même association. Donc c'est le cas d'un projet de modernisation de l'adduction en eau des 350 jardins maraîchers qui sont dans ces quartiers-là. Ce projet est porté par la direction du groupement d'intérêt économique des maraîchers, Et il est financé par un bailleur de fonds public américain, USAID, qui est le bailleur du Congrès américain, si j'ai bien compris. Dans ce cas de figure, ce sont les bénéficiaires du projet qui s'opposent. La direction du groupement met en avant les qualités techniques du projet. Elle a consulté des experts, elle évoque très souvent un hydraulicien qui aurait fait des devis et des études préalables, etc. La transparence comptable de ses procédures, l'efficacité économique et écologique de son projet avec l'extension des surfaces cultivées, la création d'emplois, la création de sources de revenus pour le quartier, qui sont des quartiers relativement pauvres, et puis une économie d'eau qui, dans le contexte sahélien, est assez importante en termes environnementaux. Tous ces arguments sont mobilisés pour obtenir le soutien du bailleur. Face à elle, on a un groupe d'opposants qui apparaît et qui mobilise lui aussi des arguments tout aussi pertinents pour s'allier le bailleur. C'est là que c'est intéressant. Ils mettent en avant le caractère anti-écologique du projet, puisqu'il va bouleverser l'écosystème qui s'est créé autour du réseau d'adduction en eau actuel. Son inefficacité aussi en termes de lutte contre la pauvreté, puisque le projet de modernisation fermerait l'accès à une eau bon marché pour les résidents du quartier et pour les éleveurs qui travaillent dans le coin. Dernier élément de délégitimation qu'ils utilisent, les opposants mettent en scène leur opposition au projet lors de la visite d'une représentante du bailleur. De ce fait, ils brisent l'image d'une communauté consensuelle et mettent en doute le caractère participatif et inclusif de la démarche. Ils remettent donc en question la légitimité de la direction du groupement d'intérêt économique aux yeux du bailleur et obtiennent ainsi l'annulation du projet. Alors, si les argumentaires des habitants et des représentants d'associations locales semblent contingents aux situations d'interaction dans lesquelles ils se trouvent, si ces argumentaires semblent plus relever d'une tactique pour s'adjoindre le soutien d'un protagoniste de poids, un bailleur de fonds international, ou pour discréditer leurs opposants, il y a toutefois un certain nombre d'éléments récurrents qui pourraient témoigner de l'émergence d'un référentiel propre à l'acteur local, à l'acteur endogène, à l'habitant. Moi, j'y vois deux points. D'une part, la mise en avant du travail bénévole assuré par les habitants pour compenser les défaillances de l'action publique. Ils mettent souvent en avant les injustices qu'ils subissent en tant que contribuables. Ils ne bénéficieraient pas de la même assistance que d'autres citoyens. Et de ce fait, ils se sentent souverains pour planifier les aménagements de leur quartier délaissé. D'autre part, ils mettent en avant leur expertise locale, connaissance des besoins de la population, des modes de fonctionnement locaux, mais aussi capacité à faire accepter à la population locale les bouleversements qu'occasionne nécessairement un nouvel aménagement ou un nouveau mode de fonctionnement de l'entretien de l'espace public, par exemple. Ils se présentent donc comme un partenaire efficace, une partie prenante incontournable pour les projets. Il y a un troisième élément que je n'avais pas prévu de dire, mais qui est aussi l'émergence d'une revendication des spécificités du local, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où j'ai une citation d'un ancien inspecteur de l'éducation nationale, donc quelqu'un qui est plutôt de l'ordre d'un agent de l'État, et qui est à la retraite aujourd'hui, qui dit « Dans notre quartier, on ne peut pas appliquer les normes ordinaires. » Donc une revendication d'une certaine protection d'une spécificité locale. Alors, si on se contente d'analyser les discours de légitimation, il y a une limite vraiment importante, je trouve, c'est que ça omet de comprendre les conflits d'intérêts qui sont sous-jacents à ces conflits de valeurs, on va dire. Et je vais illustrer ça avec la controverse autour du projet de modernisation de l'adduction en eau des maraîchers dont j'ai déjà parlé. Donc on a deux parties qui s'opposent, un parti qui met en avant le côté technique et l'efficacité économique, écologique, etc. Et un parti qui revendique plutôt le bien-être de la population locale et les solidarités entre maraîchers, éleveurs et habitants, et résidents. Il y a eu énormément de tensions autour de ce projet, c'est celui que j'ai le plus analysé dans mon travail. Et en fait, il apparaît que les opposants ont tous en commun d'être des agents intermédiaires dans ce groupement d'intérêt économique qui récoltent l'abonnement des membres du GIE pour obtenir l'eau, qui entretiennent l'aqueduc en place, donc c'est eux qui font le curage, qui réparent les fuites, etc. Donc ils ont une position charnière dans ce groupement d'intérêt économique, Et c'est eux qui disposent en gros d'un pouvoir énorme puisqu'ils peuvent bloquer le fonctionnement et donc l'adduction en eau de tous les maraîchers en refusant d'entretenir ou en refusant de récolter l'argent. Voilà. Les contributions, merci. Et le projet de modernisation allait totalement rendre obsolète cette fonction puisqu'il remplaçait ce canal à ciel ouvert par un tuyau fermé, donc beaucoup moins d'entretien. Et ils installaient des compteurs à l'entrée de chaque jardin. Okay. Et donc, en fait, ils perdaient toute leur position de pouvoir, ces acteurs-là. Donc derrière ces arguments autour de valeurs comme l'efficacité, la justice, l'équité, l'environnement, etc., on a un conflit d'intérêts catégoriels qui est très fort. Et donc, il faut pas l'oublier quand on analyse ces controverses autour de grandes valeurs générales, etc. Donc ce qui est particulièrement intéressant avec l'analyse de la légitimité, c'est ce que cela nous dit sur la façon dont est gouvernée la ville au Sénégal. D'une part, il n'y a pas de planification. Les projets d'aménagement s'entrechoquent, les acteurs s'opposent, et malgré la volonté affichée de construire des programmes de développement de quartiers participatifs, dans les faits, les réalisations dépendent surtout de la capacité des associations de quartiers à saisir des opportunités de financement qui passent, et à éviter que d'autres les saisissent à leur place. D'autre part, les antagonismes qui émergent nécessairement entre différents groupes d'habitants porteurs d'intérêts catégoriels, lors de l'élaboration de projets d'aménagement, ne peuvent être arbitrés, car aucun acteur de la gouvernance urbaine n'est reconnu comme légitime pour arbitrer, de manière juste ou au nom de l'intérêt général. La municipalité est perçue comme inefficace, opportuniste et partiale, ça rejoint un petit peu ce qu'on a en Italie. La décision finale est tranchée par le bailleur, au nom de ses propres normes de fonctionnement et de la connaissance très partielle qu'il s'est faite du milieu. Donc pour conclure, dans une gouvernance comme ça, qui serait sans arbitre et sans coordination, on a une négociation entre des porteurs d'intérêts catégoriels, et c'est au plus fort et au plus malin, c'est le plus malin qui remporte un petit peu le débat, plutôt qu'un gouvernement au nom d'un intérêt public qui serait alors du ressort des collectivités locales ou de l'État. Merci. Paulo Eduardo Mauriti Marques, qui va nous parler de la cause agroécologique et de la légitimité des actions des travailleurs sans terre dans l'État de São Paulo, au Brésil. C'est dans la première session. Ouais. D'accord. Bonjour. Tout d'abord, je remercie l'inclusion et ma communication dans ces colloques, dont le thème est très pertinent pour présenter et discuter les résultats de mon équipe de recherche agrément à agriculture émergente et alternative, inscrite dans le programme de troisième cycle en écologie appliquée de l'Université de São Paulo. Bon, ces recherches sont particulièrement ancrées dans l'approche de la sociologie des justifications, notamment depuis mon postdoctorat au sein de l'ADIS, Paris 10, Paris 8. Cette communication concerne nos études sur l'implantation et la consolidation de l'assentamento Milton Santos, situé à environ 50 km de Les Altos, ou l'école où je travaille. Mon idée ici consiste à souligner les processus de construction des épreuves de réalité, notion proposée par Luc Botanski et Laurent Thévenot, en vue de discuter les formes d'obtention de légitimité à la cause des familles installées dans cette zone périurbaine grâce aux actions du mouvement des travailleurs sans terre, MST. Pour orienter nos recherches, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle un discours fondé sur des principes d'une justice écologique serait capable défavoriser les demandes des familles installées, exigeant la mise en place des actions pour permettre d'attester la véridicité des paroles en faveur de l'assentament. Pour présenter notre interprétation, je vais d'abord souligner très brièvement des aspects de la théorie de justification pertinents à nos propos. Ensuite, je présenterai un cadre contextuel sur la mise en place de l'assentament Milton Santos. Enfin, je développerai une ligne de raisonnement sur les formes d'obtenir une légitimité accrue par les familles concernées et par les acteurs qui les appuient. Sur la théorie des justifications, voilà. Notre réflexion nous a conduit à considérer comme très pertinente et féconde la prise en compte de l'émergence d'un ordre de justice écologique au-delà des six ensembles des principes de justice susceptibles de soutenir légitimement des arguments dans un conflit public, comme proposé dans l'ouvrage clé de cette théorie, qui met l'accent sur la pluralité des légitimités qui a été évoquée tout à l'heure à la table ronde. Ces principes écologiques de justice permettent potentiellement d'être mobilisés comme des contrepoids vis-à-vis des mondes justes, industriels et marchands qui jouissent d'un haut degré de légitimité dans le capitalisme, orientant fréquemment l'arbitrage des conflits publics. Concernant la mise en place de l'assentament Milton Santos, il est né à la fin de 2005 grâce à la pression du mouvement Sans Terre et se situe dans la région métropolitaine de Campinas, deuxième pôle urbain et industriel de l'État de São Paulo, dans une zone où prédomine la monoculture de canne à sucre à large échelle. Convient de mentionner ici que l'installation de l'assentament a été possible grâce à un changement de stratégie du mouvement Sans Terre, lié à l'incorporation d'une perspective agroécologique au sein du mouvement. Ainsi, dans l'État de São Paulo, un nouveau modèle d'assentament a été conçu. Les communes désignées les communes de la terre. L'idée consiste à installer dans des zones proches à des grandes agglomérations de travailleurs urbains, sous-employés et en situation de précarité, intéressés à développer un projet paysan des contours agroécologiques. La proximité du marché et des infrastructures est au cœur de cette perspective, favorisant la mise en place des circuits courts de décommercialisation, tout en répondant à l'intérêt croissant de la population urbaine pour des produits biologiques. Dans l'Institut chargé de la réforme agraire au Brésil, l'INCRA, l'Institut national de colonisation et réforme agraire, cette proposition du mouvement social a été encadrée dans la modalité désignée comme projet de développement durable des assentaments. Les terres où l'assentament a été installé étaient auparavant occupées d'une manière irrégulière par une usine de canne à sucre, l'usine Ster. Il s'agit des terres de l'État fédéral en litige. De toute manière, il y a eu l'installation de 68 familles sur une surface d'environ 100 hectares. Ainsi, chaque famille dispose à peine de un hectare, d'une exploitation d'un hectare, environ 30 hectares sont destinés à la préservation environnementale et aux infrastructures collectives. En fait, la proposition initiale de l'INCRA prévoyait la concession d'une exploitation de 3 à 5 hectares par famille, qui devrait recevoir aussi les infrastructures nécessaires. Toutefois, ces perspectives initiales ont été vite frustrées. Mais la possibilité de conquérir davantage de terres pour la réforme agraire a motivé les mouvements sociaux à réaliser l'occupation des surfaces voisines comme forme de pression en vue de l'installation massive des familles sans terre aux alentours. Cependant, contre toute attente, c'est l'usine Ster qui a obtenu en 2012 une sentence judiciaire favorable à la reprise des terres où l'assentament Milton Santos a été installé, provoquant d'intenses conflits. Ces conflits ont permis d'émettre en évidence les arguments mobilisés pour la défense de l'assentiment. En effet, plusieurs organisations ont manifesté leur appui à la cause des familles assentées, en particulier celles qui encouragent la mise en place de projets agroécologiques dans l'assentement, comme le nucléo d'agroécologie de l'ESAUC, oui, et une équipe de l'Embrapa Néambiente. L'Embrapa, c'est l'Institut de Recherche Agricole au Brésil. Hein. Au cours de ces conflits, ces équipes ont soutenu l'assentement en invoquant l'utilisation des pratiques agricoles de base écologique et la destination de ces produits alimentaires aux familles en état d'insécurité alimentaire. Ici, il convient de souligner que la production locale a été pendant longtemps écoulée vers des institutions d'assistance sociale grâce au programme d'acquisition d'aliments, PAA, conçu pour assurer la sécurité alimentaire des populations démunies. Ces programmes publics connaissent ces dernières années une considérable réduction des budgets. Ce qui amènerait à discuter un autre problème au Brésil de légitimité, mais je n'aurai pas le temps ici. En tout cas, ces discours de soutien aux familles assentées permettent de mettre en évidence la construction d'un argumentaire fondé sur une justice écologique. À partir de cet optique, nous sommes intéressés aux actions concrètes des familles en vue d'analyser la construction des épreuves d'effectivité des discours écologiques en faveur de l'assentement. Dans le cadre de cette théorie des justifications, ces épreuves se réfèrent à des attitudes souhaitables, passibles de vérification, fondées sur des valeurs admises comme justes, dans ce cas ancrées dans l'ordre de la justice, de justice écologique, mais susceptibles de contestation. À ce propos, l'agriculture moderne présente des épreuves de vérité associées à son efficacité, productivité, rentabilité, considérant ici les primats attribués aux grandeurs industrielles et marchandes. Notre hypothèse admet l'augmentation de la contestation accompagnée d'une légitimité croissante contre la validité des principes de justice qui orientent l'arbitrage des épreuves auxquelles l'agriculture productiviste répond d'une manière très vigoureuse. Ainsi, les épreuves fondées sur des grandeurs marchandes et industrielles sont mises en cause, ce qui suppose la revendication pour une autre hiérarchisation des valeurs servant à l'arbitrage des conflits en vue d'un monde agroalimentaire juste. Dans ce cadre, les revendications d'autres valeurs justes, la mise en place des organisations de contrôle social, OCS, peuvent correspondre à une preuve consistante de vérité par rapport à un discours environnementaliste en vue de l'aménagement d'un monde juste écologique. Ces OCS sont une innovation considérable pour la reconnaissance de la qualité biologique des produits alimentaires, consistant à un dispositif participatif conçu pour la commercialisation locale en circuit court. La mise en place des OCS exige un compromis mutuel des agriculteurs concernés afin d'assurer le respect des normes de conformité à la production biologique. Dans l'assentement Milton Santos, la première OCS a été formée en 2014, comptant sur l'appui du Nucléo d'Agroécologie de l'ESAUC. Le succès de ces premiers groupements a encouragé la formation de deux autres groupes de cette nature. Dans cette communication, nous soulignons la mise en place de l'OCS désigné comme Terra Viva, comptant 8 familles. Ces cas permettent de mettre en évidence les caractéristiques et des effets de cette initiative. Terra Viva est constituée majoritairement des femmes. La production biologique et l'émancipation féminine constituent deux thèmes centraux dans ces groupes. À cet égard, ces femmes considèrent l'implantation de ces OCS comme un moyen important pour favoriser une participation féminine accrue à la prise des décisions familiales et communautaires. En effet, CEBO pilote une expérience alternative de commercialisation, fournissant toutes les semaines des paniers d'aliments à des collectifs de consommation solidaire dans la région. Cette expérience a été à l'origine de l'idée de formation d'une coopérative. Les entretiens auprès des membres de cette OCS permettent de constater que son importance pour les familles à Saint-Cadre est bien au-delà de sa dimension économique. Selon une de nos interlocutrices, grâce à ce dispositif, les entraides se sont multipliées, augmentant les interactions entre les familles. Enfin, les OCS sont vus comme un dispositif qui offre une grande visibilité aux pratiques agroalimentaires écologiques des familles à Saint-Cadre, contribuant à l'amélioration de leur image, car les préjugés par rapport aux agriculteurs sans terre au Brésil sont assez importants. Conclusion. Notre interprétation met l'accent sur l'idée selon laquelle la constitution de ces OCS représente un moyen efficace pour la confirmation des discours fondés sur une justice écologique en faveur de l'assentiment. Il s'agit de permettre que les efforts pour la mise en place d'une agriculture saine, hein, biologique, respectueuse de l'environnement, fournissant des aliments sains, soient effectivement reconnus, renforçant la légitimité des discours des familles installés et des acteurs qui les appuient. Par ailleurs, ces OCS favorisent la revitalisation de l'action collective en jetant de nouvelles énergies chez les familles assentables et renouvelant leurs perspectives d'avenir, même considérant les innombrables difficultés affrontées par celles-ci. Merci de votre attention. Moi, je suis frappée par le fait que vous avez au fond discuté, peut-être moins, mais vous avez discuté au fond le sujet du colloque. Disons, pourquoi donc Dominique a dit pourquoi finalement elle ne rencontrait ni haut ni bas. Et puis, moi je vous dis tout le monde, c'est pas grave, il a dit Thomas, il a dit qu'en fait, il a présenté une définition de la légitimité qui était un peu différente, qu'il en faisait son miel en quelque sorte. Et donc, la question que je vous pose, c'est finalement, justement, qu'est-ce qu'a apporté, y compris dans votre itinéraire intellectuel et qu'est-ce qu'a apporté finalement à la fois haut et bas à la question de la légitimité et puis aussi je dirais par rapport au fond à pouvoir, c'est-à-dire quelle distinction on peut faire entre une analyse qui est une analyse finalement des rapports de force qui d'ailleurs nous disent peut-être plus facilement ce qui est en haut et ce qui est en bas. Enfin voilà, c'est plutôt une question que je vous pose, c'est-à-dire comment vous avez introduit cette différence de vocabulaire peut-être qu'on a essayé. Est-ce que ça vous a déstabilisé, conforté ou au contraire vous l'avez trouvé superflu? Merci Nicole. Alors juste sur la question ni haut ni bas, moi je l'avais vite là parce que j'étais déjà très en retard. je serai plus nuancée. Il y a une question de haut et bas dans la mesure où les acteurs locaux, en particulier la commune, se sentent littéralement dépossédés, non consultés. Enfin, il y a des acteurs qui ont le pouvoir et d'autres qui essayent de l'avoir. Donc elle est quand même pertinente. En revanche, il me semble qu'il faut la nuancer dans la mesure où, y compris ADR a une politique très très locale, et puis comme je le disais, un acteur comme les surintendances, ça dépend vraiment, on parlait tout à l'heure de qui parle, ça change avec le surintendant. Enfin, là, en l'occurrence, c'est clairement une expérience d'archéologie urbaine, celle qui avait été tentée. Hein, donc, je ne dirais pas qu'il y a ni haut ni bas, je dirais surtout que c'est des configurations variables, et que le conflit et en même temps la mobilisation, la collaboration entre différents acteurs, parce qu'ils peuvent être en conflit tout en collaborant entre eux, produit un espace local qui est complexe, qui implique aussi très très fortement des acteurs d'en haut, entre guillemets. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quant à la question des rapports de force, oui, elle est présente. Moi, après, je viens d'une approche très institutionnelle. Hein, et moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est comment, dès qu'on prend les choses par un conflit, justement, on a un nombre d'acteurs, mais enfin, c'est le loup qui s'en voit. Enfin, on les découvre les uns après les autres et la chaîne est absolument infinie. C'est surtout ça, moi. C'est cette démultiplication des niveaux que je trouve vraiment interpellante. Alors bien sûr, ça joue dans des rapports de force, mais on a vraiment une difficulté à placer la focale de façon juste. Enfin, en tout cas, moi, c'est une recherche très intermédiaire, enfin, un stade très intermédiaire, hein, ce que je veux dire là, mais c'est beaucoup moins simple quand on s'intéresse à des rapports très institutionnalisés. Quoi. Sur la question du haut et du bas, c'est la question des échelles, et je pense que c'est assez intéressant. Moi, je suis parti du bas parce que je suis dans des quartiers qui sont très délaissés, on peut dire subalternes, informels, enfin, on utilise tous les termes qu'on veut. Aujourd'hui, c'est subalterne qui a l'air de sortir. Donc, je l'ai pris par le bas et par les associations locales, et on voit qu'il y a plus bas que les associations locales, il y a les habitants, il y a les nouveaux résidents qui ne sont pas du tout impliqués dans le débat local, etc. Donc, il y a un ensemble d'échelons comme ça, très très fin. Donc haut et bas, en fait, je ne sais pas bien si on peut parler, parce que ça donne l'idée d'une binarité entre l'État et puis l'habitant, ce qu'on avait vu dans le débat, alors qu'en fait, on a tout un gradient entre les deux, et qui, selon les échelles des projets, vont interagir différemment. Et sur la question du pouvoir, moi, je ne le vois pas comme un rapport de force, mais tout. La différence, qu'est-ce que l'idée de légitimité apporte à la question des rapports de force et des rapports de pouvoir? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu différent? C'était pas pour vous faire parler des rapports de force, parce que vous en avez très bien parlé, mais c'était plutôt de voir un peu la nuance qu'apportait le fait qu'on ait. On ne les dit pas rapport de force ou rapport de pouvoir, mais on les dit à travers des rapports de légitimité. Mais, comme vous avez dit, j'ai utilisé la légitimité d'une autre façon peut-être, et moi je le vois plus comme une façon, un outil heuristique pour distinguer les différents clans qui s'affrontent en fait dans leur discours. Après, derrière, je pense qu'il y a fondamentalement des intérêts, des conflits d'intérêts catégoriels. J'ai vu peu de conflits d'investissement désintéressé de mes acteurs locaux. Donc, c'est peut-être une vision un peu dure, mais c'est ce que j'ai l'impression de voir. Voilà. Donc, la légitimité, c'est une arme pour s'allier, pour moi, sur ce terrain-là et dans ce contexte-là. Ce qui n'empêche pas que derrière, il y a aussi des combats autour de valeurs, etc., mais qui cachent quand même souvent des intérêts catégoriels. Mais c'est le fonctionnement même de la gouvernance urbaine au Sénégal qui fait ça, puisque aujourd'hui, c'est des négociations d'intérêts catégoriels. Il n'y a pas du tout l'intérêt public n'apparaît plus dans l'aménagement du quotidien, quoi, l'espace quotidien, etc. Dans quelle mesure est-ce que c'est si spécifique du Sénégal? Pense que c'est exactement la même chose en Italie ou au Brésil. Oui, pour le coup, enfin, oui. Oui, je peux bien réagir. La légitimité d'un les questions qu'on étudie au Brésil, c'est au cadre de la problématique, hein. En fait, nous nous sommes intéressés à la construction de cette légitimité, justement parce que des familles s'est installées, des familles s'interprent, justement parce que la réforme agraire au Brésil est discréditée depuis un certain temps par une vision productiviste de l'agriculture. Et donc, cette idée, cette notion de justice écologique, c'est pertinent pour penser à la reconstruction, à la résignification, hein, d'une demande pour la réforme agraire au Brésil. Et donc, je vois tout l'intérêt de réfléchir sur ces questions de légitimité, parce que ce n'est pas simple d'obtenir la légitimité aujourd'hui en faveur de la réforme agraire par le bas, hein, parce que nous avons un pouvoir centralisé qui détermine les débats ce matin sur les questions du pouvoir de l'État par rapport au pouvoir citoyen. C'est très pertinent pour penser au problème au Brésil actuellement. Hein. La perspective participative du pouvoir qu'on avait il y a 20 ans, elle a presque disparu. Hein. Et aujourd'hui, c'est l'État qui définit ce qu'il faut faire, la réforme du code du travail, la réforme des retraites, tout cela a lieu au Brésil, peut-être d'une manière plus radicale qu'ici, hein, je ne sais rien, mais bon, voilà, l'État au Brésil aujourd'hui a un pouvoir exceptionnel. Hein. Moi j'ai une question en fait sur Maël de Réva, je suis doctorant au LADIS. Il y a une question en fait, je pense qu'il y a un point qui est quand même assez. Qui croise les trois présentations, c'est la notion de crise politique en fait. Est-ce qu'on associe de façon quasi automatique la notion de crise de l'État avec la légitimité d'un pas? Est-ce que ce n'est pas un processus d'émergence d'une façon de gouverner le territoire qui n'est pas forcément lié à une crise politique, et que derrière ça, peut-être il y a une stratégie de désengagement qui fait que sur l'échelle locale, peut-être, on va dire, est-ce que c'est la société civile ou d'autres acteurs qui seraient peut-être mieux placés pour gérer cette question-là? Donc, dans quelle mesure il faudrait associer de façon automatique un peu la crise politique, la crise de l'État avec la légitimité? Il a été déjà signalé que c'était un jeu d'acteurs et de pouvoir, et que le désengagement de l'État, parfois, il est planifié, mais qui est négocié. Je prends l'exemple que vous avez cité, le Sénégal et la JDR en Tunisie, c'est pareil aussi, la gestion elle est chaotique, mais c'est la façon pour un peu se désengager de la gestion des eaux dans les zones rurales reculées, que c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et que c'est un secteur qui n'est pas encadré, mais qui permet de justifier un peu les engagements de l'État. Je commence. Juste là-dessus, moi, un désengagement d'État, oui, bien sûr, on est dans un contexte de rigueur budgétaire, tout ce qu'on veut, mais c'est surtout une présence en pointillé, enfin, une espèce d'opportunisme aussi institutionnel et politique des différents acteurs. Là, par exemple, bah, l'aéroport, aujourd'hui, quand même, il est en crise. Du coup, la réserve reprend le poil de la bête. Quelques années avant, non. Enfin, on a plutôt une situation d'attentisme et d'opportunisme en même temps. Donc, c'est pas un désengagement clair et net. Hein, et puis, du point de vue des acteurs privés, c'est pareil. Quoi. Je veux dire, il y a d'énormes capitaux qui ont été débloqués par le gouvernement Monti. Donc, je pense qu'ils ont envie de les dépenser, ça c'est clair. Mais ils y vont aussi avec précaution. Enfin. Et donc, voilà, je pense que cette question de temporalité étirée, alors elle est extrêmement, par contre, pénible à vivre pour les décideurs et les habitants, évidemment, qui ne savent pas du coup s'ils ont été expropriés ou pas, qui ne savent pas s'ils peuvent vendre ou pas leur exploitation. Ça, c'est, mais c'est vraiment un élément majeur de ce désengagement. Ça, ce côté hésitant, on ne sait pas où on va, quoi, qui est structurel. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un désengagement autant que. Ouais, non, non, c'est pas clair. Il y a différents possibles. Exactement, c'est le cas, par exemple, qui est complètement différent de ce que vous observez au fil des derniers temps. D'ailleurs, vu le contexte. Il n'y a pas d'ONG. Je ne sais pas s'il y a des engagements déconditionnels, puisqu'il y a encore des agences déconcentrées qui sont très très puissantes et souveraines sur beaucoup d'équipements. Il y a plus une mise en concurrence de la municipalité avec les associations locales, qui est, pour, selon certains auteurs, arbitrée par l'État. C'est pour qu'au moment de la décentralisation, on a compenser le pouvoir qu'on donnait à la municipalité en créant cette démocratie locale associative qui n'est pas vraiment une démocratie puisque c'est celui qui veut s'engager, qui a le temps de s'engager dans l'association, qui a le pouvoir en quelque sorte. Donc c'est plus ça. Après, il y a une société civile au Sénégal qui est très structurée depuis très longtemps et la décentralisation qui a créé un désengagement de l'État sur certaines compétences et en fait elle a libéré des compétences pour cette société civile très structurée. C'est surtout ça, je pense. Et donc, il y a là ces 20 ans de recul, et ça fait 20 ans que ces associations existent, qu'elles se sont formées au développement, qu'elles ont formé des compétences politiques pour argumenter, pour négocier, pour savoir auprès de quel acteur demander des sous, auprès de quels arguments marcheraient et tout. Donc, on a une société civile qui est extrêmement compétente là, au Sénégal, mais qui va être partial et qui va défendre des intérêts très catégoriels, encore une fois. Voilà, on retourne sur la question. Vous avez évoqué tout à l'heure les mots résistance. Hein, je dirais qu'aujourd'hui, il s'agit des résistances à la crise démocratique qu'on vit à ce moment au Brésil. Et donc, on s'intéresse à ce qui est fait au niveau des communautés, des travailleurs sans terre, dans ce cas, pour effectuer cette résistance. Hein. Et donc, il n'y a plus les programmes qui permettaient à ces agriculteurs de produire, hein, donc le PA, un programme de l'État, ces agriculteurs vont essayer d'obtenir leur revenu d'une autre manière. C'est une manière de continuer à produire, à commercialiser et résister sur la terre. Donc ça permet de réfléchir sur la légitimité de ces familles. Hein, réalise hein, et mettre en parallèle avec la légitimité de l'action de l'État, des autres acteurs dans ces territoires. Hein. Je pense que je vais passer pour ça. Paolo, par rapport à la question du bio, on a souvent parlé des différences entre l'agroécologie et le bio entre le Brésil et la France. On a d'un côté, du côté français, le bio qui a, comme au Brésil, été pendant un temps marginal et puis progressivement a obtenu une certaine reconnaissance. Alors, j'emploie pas le mot légitimité justement parce que peut-être qu'il ne se situe pas là. Une reconnaissance liée à un label. Alors, enfin, au Brésil, vous avez une reconnaissance qui s'est construite petit à petit autour d'une appropriation, mais qui reste encore dans cette logique. Et je me demandais dans quelle situation, c'est-à-dire une logique de combat, quoi. Et je me demandais si on pouvait pas... Est-ce qu'on peut appliquer le même mot, parce qu'on peut dire aussi que le bio maintenant est légitime dans le paysage français ou social, mais moi je ne suis pas aussi persuadé que dans le cas que tu décris par rapport au Brésil. Enfin, ça se discute. Oui, ça se discute. C'est pour je reviens toujours à mon espèce d'idée de l'égalité. De l'égalité. De toute manière, pardon. Il y aura d'autres questions. De toute manière, je pense que le cas brésilien est très particulier en termes d'élaboration, de mise en place des règles de reconnaissance biologique. Et donc, dans la perspective démocratique qu'on a eue il y a quelques années, on a créé des dispositifs comme celui-là que j'ai évoqué tout à l'heure, participatifs des reconnaissances biologiques. Et donc, ça favorise la participation des agriculteurs dans un débat très intéressant sur les atouts de cette agriculture biologique. Hein. Je dirais, nous avons un champ de réflexion très riche hein, en termes d'obtention des reconnaissances de légitimité autour de l'agriculture biologique. Et le cas brésilien, peut-être, c'est très particulier pour réfléchir sur ça. Bon, mais. Je dis un mot pour essayer de retracer aussi vos réponses. Au fond, vous avez besoin de Wolkanski, de Weber, etc. Donc, y compris pour. Donc, le pari que nous avons lancé, c'est que est-ce qu'il ne faut pas, justement, par rapport à la crise telle qu'elle est dans la période dans laquelle on est, on n'est plus à l'époque de Weber, ni au fond, Wolkanski, ça commence à dater. Bon, donc, est-ce que, justement, il n'y a pas un effort particulier pour disons passer justement à un autre, peut-être un autre vocabulaire qui nous permettrait finalement de comprendre comme dans les différentes configurations géographiques et politiques, comment on peut penser à nouveau peut-être la légitimité du peuple et la légitimité de l'État. Oui, donc je voulais juste faire une toute petite remarque, ce que je relève de ces trois interventions, c'est que finalement, entre le haut et le bas, hein, entre l'État et le peuple, il y a très peu de confrontations directes. On est obligé de passer par des niveaux intermédiaires, on ressent la nécessité de passer par des niveaux intermédiaires, donc on n'a pas légitime, pour appeler, pour se ménager des portes de sortie, ben c'est une interrogation. Je voulais juste revenir en fait, hein, dans le cours, mais ça, je ne suis pas forcément d'accord ni avec ce que Nicole a dit, ni avec ce que tu viens de dire. Est-ce que nous avons cherché au fond à mettre un point en évidence au cours de la table ronde tout à l'heure, c'est que les choses sont loin d'être aussi clivées, haut et bas. En réalité, il y a ce que je pourrais qualifier de chemins de traverse, qui sont des chemins tortueux au sein desquels les différents acteurs institutionnels ou pas institutionnels naviguent d'une certaine manière, ou surfent, pour ceux qui font du surf, et vont essayer de trouver leur place. Et sera-t-elle légitime plus ou moins, ou pas du tout, ça reste encore à voir. Mais c'est néanmoins quelque chose qui est, nous avons qualifié de bricolage. Mais ces bricolages permettent vraisemblablement d'arriver à certains moments à des compromis. C'est pas un jeu gagnant-perdant, c'est plus compliqué que ça. Et d'autre part, pour réagir sur la remarque que vient de faire Nicole, je ne sais pas si c'est une question de vocabulaire simplement. Je pense que c'est plus important que chercher un autre vocabulaire, parce que le vocabulaire peut être adopté de façon purement cosmétique, en quelque sorte. Le vocabulaire peut être totalement une pièce rapportée. J'ai théorie de la vie. Voilà. Tu vois, le vocabulaire est à la base de la théorie. Notre vocabulaire, à nous, chercheurs, il est à la base de ça. On est à la base. Quand je dis vocabulaire, c'est pas un vocabulaire. C'est vraiment le poids des mots, le sous-bassement intelligible. Comment on comprend les choses? Bon, je suppose les nommer. Je suppose que vous en êtes très fond. Oui, ça, ça, ça. Moi aussi. Et donc, je vais attendre. Ah, il y a encore une main. Non. Quand même, si je vais. J'ai même pas une question. Moi je peux, mais c'est par rapport à ce que dit Nicolas et ce que vous venez de dire. Je retiens vraiment aussi l'idée de conflit-coopération qui a été évoquée pour Rome et qui me paraît extrêmement puissante. Dans la question de Nicolas, pourquoi les gens ont aussi le besoin de s'associer pour une action, mais je pense que c'est la vieille idée sur laquelle. La coopération agricole comme une autre forme d'activité coopérative, c'est la vieille idée qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Et donc, c'est l'idée qu'en collection, on ne peut rien, en collectivité, on peut plus peut-être. Bien, bonjour. Je vous propose de continuer là et je vous remercie.